La Rivale par Pierre Baldagne. Pierre Turdus décachetait son courrier. Il dit à sa jeune femme qui parcourait une revue grave : Madame Joyeux, donne un thé samedi. J'irai. Il n'y a là qu'un ramassis d'imbéciles, mais il m'inspire. Des confrères sans aucun talent, quelques poètes ridicules, deux ou trois membres de l'Institut absolument gâteux. Pourquoi y vas-tu ? Demanda doucement Marie Turdus. Il m'amuse. Je les épate. Ils me regardent bouche bée lorsque je leur fais la grâce de leur développer quelques-unes de mes idées sur la littérature et la philosophie. Personne ne me répond jamais. Que dira-t-il ? J'avoue que je mets quelque esprit dans ce que je leur raconte. Il vient de très jolies femmes, n'est-ce pas, chez Madame Joyeux ? Pouh, de petites linottes assez agréables à voir peut-être, mais peu nourrissantes comme conversation, crois-moi. Je suis sûr que tu as là, comme partout, un grand succès, dame. C'est que toi, mon chéri, c'est toi. Je ne peux pas me vanter, mais il est certain que tous ces pierrots-là n'auraient jamais pu écrire mes livres. Je doute même qu'ils les comprennent. Je voudrais, de temps en temps, assister à tes triomphes dans ces salons à la mode. Turdus eut un geste évasif. Mais oui, je ne demande pas mieux. Seulement je te préviens que tu ne t'amuseras guère. Tu es une femme sérieuse, et chez Madame Joyeux, par exemple, il n'y vient que des pécores et de petites sottes. Et chez les palettes ? Chez les palettes, c'est mieux. Chez les palettes, j'ai aussi beaucoup de succès. La dernière fois que j'y suis allé, je leur ai envoyé une théorie sur le féminisme qui leur a fait ouvrir des yeux comme des portes cochères. Si tu y tiens absolument, tu viendras avec moi chez les palettes la semaine prochaine. Si je veux, s'écria Marie Turdus, quelle joie de sortir avec mon grand. Ça ne m'arrive pas si souvent, et je suis toujours si fière de me sentir à côté de toi. En ce qui concerne M. et Mme Palette, bourgeois riches qui se piquaient d'aimer les arts, possédaient une intéressante galerie de peinture moderne et recevaient chaque semaine une société choisie, Pierre Turdus ne pouvait plus guère tarder à leur présenter sa femme. Mme Palette insistait en effet depuis longtemps pour la connaître. « Pourquoi nous cachez-vous votre femme ? » demanda-t-elle à Turdus. « Je sais qu'elle est délicieuse, il faut nous l'amener. »« Mais oui, très volontiers. Seulement ma femme sort très peu. » Elle n'aime pas beaucoup le monde, c'est une timide. Elle me reposera de tant d'autres qui sont si effrontés. Amenez-la-moi. Turdus ne se pressait pas. Ses succès mondains, il aimait en jouir tout seul. Peut-être les exagérait-il. À vrai dire, parmi ses relations, deux clans s'étaient formés. Dans le premier, on le tenait pour un bavard prétentieux et un écrivain assez médiocre. Dans le second, on se laissait étourdir par sa faconde et son assurance. Cependant, les maîtresses de maison aimaient bien le recevoir. Il était meublant, assez décoratif et tout compte fait, animait un salon. Incapable de distinguer si sa popularité était ou non d'excellente alloi, Pierre Turdus s'enivrait des louanges recueillies et se croyait déjà un homme vraiment illustre. De son côté, et toute heureuse, Marie Turdus s'apprêtait pour la réception des palettes. Puisqu'il se décida à sortir sa femme, Turdus exigea qu'elle fût élégante. Il ouvrit un crédit chez la couturière, la modiste et le marchand de fourrures. Au charme naturel de Marie, la parure vint ajouter je ne sais quoi d'attirant et de capiteux qui modifiait sensiblement son apparence ordinaire. Elle devenait décidément fort jolie. Turdus estima qu'elle allait lui faire beaucoup d'honneur et qu'on le féliciterait d'avoir une femme aussi élégante. Il pensait en outre que cette élégance serait fort utile, attendu que, du point de vue de l'esprit et de la conversation, la petite Marie Turdus risquait fort de ne pas briller. Elle parlait peu et n'avait jamais montré à son mari qu'une intelligence sans éclat. Or, il se passa ceci d'assez inattendu, c'est que l'élégance vestimentaire de Madame Turdus, sa toilette fort réussie, eurent sur son esprit une influence toute nouvelle. Elle se vit admirée. Elle en éprouva d'abord une surprise, puis une grande fierté. On l'entoura. Elle devint gaie, et sans bien s'en rendre compte, devint soudain audacieuse. Voilà qu'elle se mit à parler à tort et à travers, mais que ce tort et que ce travers intéressèrent tout le monde. Dès en la voyant, Madame Palette, ravie de découvrir une si gentille créature, l'avait attirée dans son groupe. Puis, en l'écoutant, elle se mit à apprécier la verve de la jeune femme. « Mais votre femme est charmante, » disait-elle au mari. « Dire que vous nous la cachiez. » « Savez-vous qu'elle a beaucoup d'esprit ?» Marie Turdus en avait beaucoup en effet, et si personne ne s'en était avisé jusqu'alors, c'est que son mari l'avait toujours tenue sous le boisseau. Bien mieux. Chaque fois que Marie émettait une opinion originale et pittoresque, Turdus haussait les épaules. Il n'admettait pas que sa femme eût une quelconque valeur intellectuelle. Il s'était habitué à la considérer comme bornée, incapable de la moindre idée générale. De sorte que Marie se repliait sur elle-même, n'osait plus rien dire et gardait ses pensées au fond de son esprit. À cette brillante réunion des palettes, elle s'était risquée à parler. Et voilà qu'on l'écoutait, qu'on riait, qu'on applaudissait, qu'on lui faisait un succès considérable. Marie, un peu grisée, se laissait aller. Elle révélait qu'elle avait beaucoup de lecture, qu'elle s'était fait une opinion sur une foule de questions. Elle tenait tête au contradicteur, et au bout d'une demi-heure, il n'était bruit dans le salon des palettes que du charme de la jeune femme de ce grand Flandrin de Turdus, qui, lui, n'avait jamais su que développer quelques poncifs et n'avait pas une idée à lui. Autour de Marie, un groupe s'était formé. Émile Remise, l'auteur dramatique applaudi, s'amusait à lui développer des paradoxes auxquels Marie répondait avec une liberté d'esprit supérieure. Georges Sorte, de l'Académie française, l'avait entreprise sur les grandes amoureuses de l'histoire. Marie avait réponse à tout. Quant à Turdus, abandonné dans un coin, il n'eut pas l'occasion ce soir-là d'ouvrir la bouche. Vers minuit, le sourire pincé, Turdus fit signe à sa femme, et le couple prit congé de Madame Palette, qui se déclara au regret d'avoir connu si tard une femme aussi intelligente et exquise que Marie. « Maintenant, vous ne me manquerez plus un seul de mes jours, c'est promis. » Dans le taxi qui le ramenait chez lui, Turdus ne dit pas un mot à sa femme. Le lendemain, il fut très sombre. Après déjeuner, tout en fumant son cigare, il parla. « J'ai beaucoup réfléchi. Je crois que je suis une mauvaise route. Je me disperse. Je vais beaucoup trop dans le monde. Oui, je ne manque pas une soirée chez les Joyeux, ni un thé chez les Maurice, ni une réception chez les Palettes. Ça ne me sert absolument à rien. C'est une erreur. Nos écrivains les plus illustres ne se prodiguent pas ainsi. Vois-tu un Renan allant manger des petits fours à 5 heures dans la société de ces bavards sans cervelle? Anatole France allant absorber de l'eau chaude chez les Palettes et faire la bouche en cœur devant des dames qui roucoulent sans rien comprendre? C'est très au-dessous d'eux. Je vais réformer ma vie. Je me garderai pour moi-même, au lieu de me donner à ces snobs, qui sont incapables de savoir le prix de ce que je leur dis. Ainsi, la semaine prochaine, je n'irai pas chez les Joyeux. » Marie regardait Turdus. Il parlait sous un ton d'amertume et de désenchantement. Il semblait très attristé. Elle lui dit « Peut-être as-tu raison, et pourtant… » Moi, ce que j'ai observé de plus clair dans ma visite à Madame Palette, c'est que j'en suis revenu éreinté. Dieu, que c'est fatigant! On parle, et de quoi? Je te le demande. J'avais envie de sortir avec toi, je l'avoue, mais cette expérience vient de m'en guérir. Turdus s'était redressé. Vraiment? Tu ne m'étonnes pas. Alors tu ne t'es pas amusé hier? Je me suis assommé. On a été très gentil pour moi, certainement. Mais je n'ai dû cet accueil qu'au fait que je porte ton nom. Je ne m'illusionne guère. Dorénavant, mon ami, je resterai tranquillement chez moi. Tu crois ? Interrogea Turdus, dont la voix était encore inquiète. C'est décidé. D'autre part, en ce qui te concerne, je pense que tu ne dois pas te retirer du monde. Les relations sont toujours utiles. Il est bien sûr que tous ces gens-là ne vont pas à ta cheville. Mais c'est un cadre. Sers-toi d'eux. À un certain point de vue, tu peux avoir raison, c'est vrai. Conseilla Turdus, qui recommençait à sourire. « J'ai raison, ce sont des corvées, mais il faut te les imposer, mon ami. C'est la rançon de ta gloire. Moi, j'aime mieux mon petit rôle effacé dans ma maison. Je te laisserai sortir seul à l'avenir. Tu n'as pas besoin de moi, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, oh, pas du tout. » »« Alors, nous sommes d'accord. Ainsi, pour les Joyeux, la semaine prochaine. » Turdus leva la tête, eut un rictus méprisant. « J'irai chez ces crétins, puisque tu me le conseilles. » Après tout, il m'admire, et dans mon métier, l'admiration de ses contemporains n'est pas désagréable. J'irai. Je te raconterai ce que je leur aurais dit. Marie Turdus se leva pour aller donner des ordres à sa bonne. Elle avait au coin des lèvres un mince sourire de moquerie, mais elle aimait de tout son cœur le grand enfant vaniteux qu'était son mari. Et quand on aime, il faut savoir se sacrifier, même au défaut de ce qu'on aime. C'était La Ribale par Pierre Baldagne.